Clément, arrêtez de nager, s'il vous plaît. Le sommaire, tout de suite. Alors, oui, le sommaire. Donc, bah, on va parler de piscine, ça on l'avait bien compris. On va parler des hommes-poissons, parce que on va analyser l'épisode Go Fish. L'épisode très bon épisode. De 23 de la... ça me fait plongeons. De la saison 2. Voilà. On va aussi parler, ça c'est beaucoup moins drôle, de viol. Et on va aussi parler de dopage. Ah, c'est mal. C'est mal. On fera pas, exceptionnellement, vu les conditions spéciales d'enregistrement, les rubriques de d'habitude. Bah non, hein. C'est-à-dire sondage, vos rubriques préférées, hein. Sondage, énigme. Moi j'aime bien le chlore. C'est sympa. Non, on fera pas donc ces rubriques-là. On va parler juste de l'épisode, hein, et le regarder en direct de la piscine. Alors, mon conducteur est déjà trempé. Hein. Je sais pas si on va arriver au bout de cette émission. Aussi. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy. Nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Tout de suite, passons. On a un dauphin gonflable. Génial. Tout de suite, passons à l'épisode du jour. Lance-moi ça. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. Well, what do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode du jour, c'est Go Fish, donc. Il y a une signification. C'est le meilleur épisode de la série. Et surtout, Go Fish, ça veut dire quoi, Riley? Alors, j'ai mené l'enquête. Non, j'ai mené l'enquête parce qu'en fait, ça vient de phishing, finalement, chercher des informations. Tout à fait. Et aller à la pêche, à l'info, tout simplement. Donc, pêche là, à l'info. Go Fish, c'est à la pêche. Un jeu de mots sur le fait qu'il y avait des hommes-poissons dans cet épisode. Ouais. Et en même temps, bah, l'équipe, de, comme d'habitude, hein, le Scooby Gang va mener l'enquête pour essayer de trouver l'origine de ces hommes-poissons. Donc, Go Fish, les hommes-poissons à en VF, l'épisode 20 de la saison 2. L'épisode est écrit par David Fury, c'est son premier épisode. Rappelez-vous, David Fury, putain, il a mis de l'eau partout. Non, alors pas des plongeons comme ça. Parce que là, vous venez d'éclabousser l'ordinateur. C'est quand même. C'est... Non, parce qu'on l'a dit juste avant de commencer, c'est ça qui est rigolo. Super loin. Non, bah pas assez, parce que vous avez fait des plongeons d'une envergure assez... Faites des plongeons, c'est trop impressionnant physiquement en fait, Riley. Oui, la serviette. Et quand vous faites des plongeons, ça éclabousse très très loin. Attends, je me suis mis loin pourtant. J'en ai partout. Donc, David Fury, rappelez-vous, we got the mustard. Oui. Excellent scénariste. Excellent scénariste, on en a parlé des milliers de fois. Et bien là, c'était son premier script de la série, de Buffy contre les vampires. Et alors, il avait été aidé par Aileen Hampton, enfin, ils avaient écrit ce script à deux. Et l'épisode a été réalisé par David Semel. Est-ce qu'on a des infos sur cette personne, à part des jeux de mots, peut-être? Non, on n'a aucun jeu de mots sur le David Semel. C'est dommage, c'est dommage. Par contre, figurez-vous que c'est un réel de télé qui a bossé sur plein de trucs. Ouais. Beverly Hills, notamment. Nous, ah, une série. Il y a beaucoup de piscines d'ailleurs. Tout à fait. Mais en fait, il est partout. Hein. Il a fait Doctor Who, pas Doctor Who, Doctor House, pardon. Ok, c'est pas le même Doctor. Ça a rien à voir. Et Dawson. Ah bah Dawson, on aime bien. Dawson, une de nos séries préférées. Bah oui, il y a des piscines aussi, je crois. Il y a quelques épisodes avec des piscines. Alors, maintenant, la difficulté, ça va être d'attraper. D'atteindre le bouton pour mettre en route pour faire le top magnéto. C'est dommage que vous voyez pas Sartman, il est en train de tendre le bras. Alors, peut-être je vais être obligé de sortir de la piscine, interdiction de sortir de la piscine. Et faire un plongeon peut-être. Parce que là je peux pas atteindre le bouton en fait, les gars. Non, là, tu peux pas. Ouais, non, bah oui, t'es obligé de sortir. C'est pas. On va meubler de toute façon avec cet épisode incroyable. En fait, on est donc dans le sud. Dans les Cévennes. Et c'est vraiment les vacances. Normalement, on n'avait pas dû faire un podcast, mais on se balade quand même avec le matos au cas où. Au cas où. Et puis finalement, c'est tombé ce soir. Au cas où, vous serez dans une piscine. C'est à vous de faire le top magnéto, messieurs. Vous êtes alors, prêts? Ok. 3, 2, 1, top. Top, c'est parti. Avec le prologue de Tonton Jazz. Et donc, c'est la dernière fois qu'il le fait dans la série. Et nous aussi, j'espère. Parce qu'effectivement, premier plan de l'épisode, un plan sur la mer. À toi, Sartman. Oui, je suis. Soirée sur la plage. J'ai rejoint mes collègues dans la piscine. Donc oui, généralement, nous commençons donc toujours de nu, enfin très souvent de nu dans Buffy. Vous connaissez les codes maintenant. Mais souvent dans un cimetière. Mais là, on n'est pas dans un cimetière, donc on est comme la nuit. Mais on est sur une plage en pendant une beach party, puisque les monstres cette fois-ci ne vont pas venir de sous la terre, mais ils vont venir de sous la mer. Ça, on l'a pas vu venir. C'est pour ça que le premier plan de l'épisode était un plan de vagues de la mer, l'immensité de l'océan. Moi, j'ai un petit peu de la mer, hein, finalement.